Dans quelques semaines, sur Europe 1, nous évoquerons le centenaire de la Révolution d'octobre avec Franck Ferrand en Russie, bien sûr. Mais en attendant, c'est aux Russes blancs que Franck Ferrand consacre cette émission aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Alexandre Jevakov qui nous avait, il y a quelques années déjà, fait les honneurs de la cathédrale orthodoxe de la rue Daru à Paris. C'était une belle visite, nous en gardons un très beau souvenir. Il vient aujourd'hui nous parler du combat des Russes blancs et son dernier ouvrage, paru chez Perrin, s'intitule d'ailleurs « La guerre civile russe ». Et pour nous mettre dans l'ambiance, vous allez nous raconter l'enlèvement du général Miller à Paris en 1937. Oui, un événement assez étonnant, après quoi nous irons découvrir ou redécouvrir le patrimoine russe parisien en compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach et de Lorena Martin. Allez, paidium ou davai, autrement dit, allons-y. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Mercredi 22 septembre 1937 à Paris, il est midi et quart, il fait beau. Un homme de 69 ans, le général Yevgeny Karolvitch Miller, un homme qu'il faut imaginer barbu avec une moustache très spectaculaire, assez trapu. Il a les moustaches complètement recourbées vers le haut, vous savez comme ça se faisait à l'époque. Comme certains les portaient encore à l'époque, devrais-je dire, il sort du 29 rue du Colisée, pas très loin d'ici, dans le 8e arrondissement. Il s'agit du siège de l'Union Générale des Combattants Russes, la plus importante organisation de l'émigration, qui regroupe la plupart des anciens militaires russes en exil. Quand je dis la plupart, ça fait énormément de monde, 60 000 personnes environ. Miller a prévenu un de ses confrères, le général Koussonski, qu'il avait un rendez-vous et un déjeuner et il lui a fait passer un mot en expliquant qu'il ne fallait pas décacheter l'enveloppe. Vers 20h, un certain nombre de membres de l'Association des Anciens de l'Armée du Nord arrivent pour une réunion au siège de la ROVS. Les minutes passent. Miller n'est pas là, ce qui inquiète parce que d'habitude il est ponctuel. Un des employés du bureau de la ROVS appelle au domicile de Miller, il tombe sur son épouse. Son mari, dit-elle, n'est pas rentré à la maison de la journée. Ah vraiment, c'est très étrange parce que lorsqu'il est en retard, il prévient systématiquement vers 23h. Le général Koussonski parvient à son tour rue du Colisée. Il ouvre le tiroir dans lequel il avait glissé le mot confié par Miller et qui ne devait être décacheté a priori sous aucun prétexte. Koussonski va donc ouvrir l'enveloppe et voilà ce qu'il lit. « J'ai aujourd'hui à 12h30 un rendez-vous avec le général Skoblin à l'angle des rues Jasmin et Raffet. Il doit me conduire à une entrevue avec un officier allemand attaché militaire dans les pays baltes, le colonel Stroman, et avec M. Werner, qui est employé à l'ambassade ici. Tous les deux parlent bien le russe. Cette entrevue est organisée à l'initiative de Skoblin. C'est peut-être un piège, c'est pourquoi je vous laisse ce mot à tout hasard. » C'était quand même assez prévoyant de sa part. Miller, il faut vous dire, a une longue carrière militaire. Il a été attaché à Bruxelles, à La Haye, à Rome. Il a commandé le 7e régiment du Hussards biélorusse. Il a été responsable de tous les attachés militaires russes à l'étranger. Promu général-major, il a dirigé la cavalerie Nicolas avant d'exercer les fonctions de chef d'état-major du district militaire de Moscou. Tout ça à l'époque des tsars, bien entendu. Après la révolution de février 1917, il est devenu lieutenant-général. On le voit quand même, il n'est pas partisan de la révolution. Il interdit à ses hommes de porter le brassard rouge. Certains de ses soldats d'ailleurs vont se mutiner. Lui-même est arrêté, jugé puis acquitté. Il devient le représentant de l'état-major russe sur le front italien. Seulement à la fin de l'année 17, alors que les bolcheviks cette fois ont pris le pouvoir, Miller refuse tout contact avec les nouvelles autorités militaires. Il est mis en accusation par un tribunal militaire, condamné à mort par contumace. Inutile de vous dire qu'il n'a pas quitté l'Italie. Il va quitter l'Italie, mais pour la France, avant de devenir donc le chef des armées blanches dans le nord de la Russie pendant cette guerre civile dont nous allons parler tout à l'heure. Mais devant le manque d'officiers qualifiés, après le départ des troupes britanniques venues prêter main forte, Miller quitte la Russie. On est au début de l'année 1920 et le voilà donc qui s'exile à Paris avec sa femme et ses enfants. 10 ans plus tard, en janvier 1930, il devient président de l'Union Générale des Combattants Russes, dont il était jusque-là déjà l'un des premiers adjoints. Il succède au général Koutiepov dans ce poste et assez vite, il estime qu'il faut renforcer les activités clandestines de l'ARVS. Il faut vous dire que Koutiepov, le prédécesseur de Miller, a été enlevé en plein Paris, qu'il est mort dans des circonstances déjà mystérieuses. Dans « De Koutiepov à Miller », Le combat des Russes blancs 1930-1940, voilà ce que nous dit Nicolas Ross. La ROVS était une organisation puissante, implantée dans le monde entier et après la mort du grand-duc Nicolas, son président était sans doute la personne la plus en vue de l'immigration blanche. La ROVS était aussi un ennemi redouté par le pouvoir soviétique. Son chef devenait de facto une cible privilégiée de ses services secrets et l'on sait que plus le temps passe et plus les services secrets soviétiques se révèlent interventionnistes à l'étranger. Malgré la création d'un service de contre-espionnage et la tentative de tisser en URSS même un réseau de cellules clandestines qui seraient prêtes à intervenir en cas de soulèvement populaire, il faut bien dire que ces activités ont été finalement abandonnées pour diverses raisons, mais notamment pour des raisons de manque d'argent. Et Miller lui-même n'a pas beaucoup d'argent. Un proche en décembre 1933 écrit à propos de son domicile à Boulogne « La matinée brumeuse soulignait d'une manière particulière la pauvreté et la modestie de cet appartement de réfugiés russes, si peu en rapport avec les hautes fonctions du maître des lieux. Et ce dernier était vêtu de manière très modeste. On pouvait observer sur son pantalon les marques d'un raccommodage consciencieux. » En outre, Miller ne croit plus au renversement du pouvoir soviétique et à la restauration de l'ancien régime impérial. Évidemment, les années ont passé. Nous verrons tout à l'heure avec Alexandre Jevakov quand a eu lieu l'espèce de prise de conscience de la part des Russes blancs qu'il serait impossible de rétablir, de restaurer la monarchie en Russie. Mireille Kolskov, qui est membre du comité de rédaction de la Pravda, écrit en septembre 1932 à propos du siège de l'ARVS qu'il a justement visité. C'est un vrai état-major tsariste, vieilli, sénile, avec des dents branlantes, usées par les fuites et les évacuations, mais ayant conservé ses hommes, son cadre et même son atmosphère, écrit ce journaliste évidemment pro-soviétique, aigrelette avec des fragrances d'anis et de cire à cacheter, de respectables poussières. Sur les étagères, en bois, le long des murs, il y a les livres, des dossiers, des piles de vieux papiers datant d'avant la Révolution, si ce n'est d'avant la guerre. La position de Miller est loin de faire l'unanimité au sein de l'association et, vous l'aurez compris de toute façon, j'allais dire depuis quelques minutes maintenant, il est en danger, en grand danger. Un extrait de la valse sentimentale numéro 6 de Tchaïkovski sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi, vous nous racontez l'enlèvement du général Miller. C'est en 1937 à Paris que ça va se passer. Quelques années plus tôt, vous venez de nous le raconter, en 1930, il est nommé à la tête de l'Union Générale des Combattants Russes. Alors juste avant de poursuivre sur l'affaire Miller, juste un point historique, quelle est la situation de l'Union soviétique à ce moment-là? Ah ben, c'est Staline à l'époque, hein, vous imaginez, on est en 1937, c'est son apogée depuis l'expulsion de Trotsky en 1929. Le maître suprême de l'URSS exerce un pouvoir sans partage, un pouvoir dans la terreur, vous le savez. Il vient de lancer ce qu'on appelle le grand tournant et le but de cette nouvelle politique, c'est de transformer en profondeur la société et l'économie russe. Ça passe par la suppression de la propriété privée, pure et simple, avec d'ailleurs en 1934 un certain nombre de spoliations assez incroyables qui ont eu lieu dans toute l'Union soviétique, une forte industrialisation, le premier plan quinquennal accorde la priorité à l'industrie lourde. Évidemment, il faut montrer la puissance de cette Union soviétique qui doit devenir le pendant de l'Amérique dans l'esprit de Staline. La collectivisation forcée des campagnes s'accompagne d'une violente répression contre les exploitants agricoles qui refusent de se soumettre et certains sont envoyés en déportation dans des régions comme la Sibérie ou d'autres. Alors, revenons donc à Paris et à notre Miller, là, qui est directement menacé. En juillet 34, déjà, son appartement a été cambriolé et fouillé, et un certain nombre des documents qu'il tenait sous clé ont disparu, ainsi que des lettres. Moins de 3 mois plus tard, un engin explosif a détruit la porte d'entrée du bureau de la ROVS, donc en plein 8e arrondissement, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est vous montrer quand même les ennemis, si je puis dire, de l'état-major russe blanc n'y vont pas par 4 chemins. À terre, dans les débris, si je puis dire, de l'explosion, on retrouve 2 lettres en russe adressées au général Miller et à ses principaux collaborateurs et signées « Un volontaire du Front uni ». Et Miller ne le sait pas, mais son bureau a été depuis plusieurs mois placé sur écoute. L'enlèvement donc de ce 22 septembre 1937, à partir du moment où vous savez tout ça, ça devient évidemment moins étonnant. C'était presque écrit. Dans la nuit du 22 au 23 septembre, un certain nombre de membres de la ROVS se demandent s'ils doivent ou non prévenir la police. On est dans une guerre secrète, d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut mettre les autorités françaises au courant ? On se dit que c'est peut-être un accident. Ils décident d'aller voir Skobrine, avec qui Miller avait rendez-vous, comme le dit la note qui a été décachetée quelques heures après sa disparition. Ils arrivent donc à l'hôtel Pax, à Paris, où Skobrine a loué une chambre et ils le conduisent rue du Colisée, donc jusqu'au siège de la ROVS. Skobrine connaît Miller, il le connaît depuis des années. Il a été général des armées blanches durant la guerre civile, il s'est lui aussi installé en France. Il dément totalement avoir rencontré Miller le 22 septembre. Et lorsqu'on lui dit que la disparition du général va être déclarée au commissaire de police, parce qu'il faut bien qu'un jour ou l'autre ça finisse par arriver, il n'a pas l'air tellement déstabilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Skobrine a l'air sûr de lui. À la sortie du bureau où il était interrogé, il profite d'un instant d'inattention de ceux qui l'ont questionné pour presser le pas et s'enfuir. Les 3 hommes qui suivaient Skobrine sortent sur le palier. Il se trouve qu'il fait nuit, la minuterie est en panne. Le temps de descendre les marches dans le noir, évidemment, ça va nettement moins vite. Ils arrivent dans la rue, il est trop tard. Skobrine leur a bel et bien échappé. Et à 3h15 dans cette nuit, la disparition de Miller est donc signalée à la police. Et qui est le suspect numéro 1 Celui qui s'est enfui, entendu. Skobrine. Le fameux Skobrine avec lequel Miller avait rendez-vous. Quelques heures plus tard, le juge d'instruction, il s'appelle Marchat, juge chargé de l'affaire, ordonne de surveiller les frontières, les routes, les ports, enfin bref, il prend les mesures qu'on prend dans ce genre de circonstances. Dans la soirée du 23 septembre, un signalement est donné. J'imagine qu'on parle de la fameuse moustache, quoique ça se coupe une moustache après tout. Une camionnette venant de Paris avec des plaques d'immatriculation diplomatique est arrivée au Havre 4 heures après la disparition du général, avec à l'intérieur 4 personnes. Ils ont déchargé une caisse en bois dont la longueur et la largeur suffisaient à faire tenir un corps sur un cargo soviétique qui a quitté le port. Et évidemment, tout de suite, la question se pose, est-ce que dans cette caisse en bois ne se serait pas trouvé notre Miller ? L'ambassade d'Union soviétique fait savoir qu'il s'agissait en réalité, les 4 hommes en question n'étaient, disent-ils, que des visiteurs de l'exposition universelle repartis dans leur pays. Et oui, on est en 1937, hein, donc évidemment, il y a aussi cet événement qui, à l'époque, agite tout Paris. Entre-temps, la femme de Skobrine, qui s'appelle Nadezhda Plevitskaya, est arrêtée, elle est conduite au quai des Orfèvres. Il faut imaginer une grande et belle femme, très belle femme même. Elle est chanteuse mezzo-soprano. Elle a connu son heure de gloire au temps de la monarchie. Elle n'a pas revu son mari depuis sa disparition. Elle retrace l'emploi du temps de son époux le jour de la disparition de Miller. Vérification faite, elle ment, puisque Skobrine avait largement le temps de rencontrer le général Miller. Miller sort des locaux de la ROVS à 12h15 et 20 minutes plus tard, il est au carrefour Jasmin Raffet pour rencontrer Skobrine, comme il le dit dans le mot qui a été décacheté. Or, ce carrefour ne se trouve qu'à quelques minutes en voiture d'une boutique dont le propriétaire certifie que la femme de Skobrine est venue seule de 12h05 à 1h30 de l'après-midi. Ça laisse donc assez de temps au principal suspect pour rencontrer Miller, le conduire au rendez-vous prévu avec les soi-disant Allemands, puis revenir chercher sa compagne qui devait l'attendre probablement. C'est d'ailleurs confirmé tout ça par un Russe qui a vu depuis une terrasse où il était installé entre 12h10 et 1h05, 3 hommes, dont Skobrine et Miller, qu'il connaissait personnellement, qui sont entrés dans l'école soviétique du boulevard de Montmorency. Autre détail intéressant, cet homme, là, ce témoin, a vu une camionnette grise qui appartenait à l'ambassade russe, la même que celle que des témoins ont vue au Havre quelques heures plus tard, et dont quatre marins ont sorti la fameuse caisse en bois pour la charger sur un cargo soviétique. Vous voyez que tout se met en place d'une certaine manière. Il y a eu des témoins, il y en a même eu beaucoup. La femme de Skoblin est inculpée de complicité de séquestration, violence et voies de fait sur la personne du général Miller. La justice va par ailleurs découvrir que les Skoblin bénéficient depuis plusieurs années de revenus, alors eux, nettement plus importants. Hein. Eux ne vivent pas dans un petit appartement miteux, c'est pas du tout la vie des Miller, là. D'où viennent les fonds? Ça, personne n'est capable de le dire. Skoblin, vous l'aurez compris, est très probablement un agent soviétique et l'on peut penser qu'il a attiré le général Miller dans un véritable piège. Et la question qui se pose pour les enquêteurs, pour les amis de Miller, pour tous ceux qui à l'époque s'intéressent à cette affaire, c'est de savoir si Miller est encore en vie. Cet après-midi, Franck Ferrand vous raconte sur Europe 1 l'enlèvement retentissant du haut gradé russe, le général Miller, enlevé à Paris, vous venez de le vivre, en 1937. Alors vous pouvez, comme chaque jour, participer à cette émission, vous pouvez réagir. Vos messages, vos questions, c'est dès maintenant sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Alors Franck, vous venez de nous raconter il y a un instant l'enlèvement en 1937 en plein Paris du haut gradé russe, le général Miller. Russe blanc, hein, c'est-à-dire contre-révolutionnaire. Bien sûr. Alors on a toutes les raisons de croire que le principal suspect, Skoblin, serait responsable de cet enlèvement. Mais la question qu'on se pose aussi, c'est où est passé le général Miller? Eh bien, on ne va pas le savoir. Pendant très longtemps, et il se trouve que le 16 avril 1938, vous voyez, on était le 22-23 septembre 1937, le 16 avril 1938, le chef de l'église orthodoxe russe reçoit une lettre qui dit ceci, qui est signé de Miller. « Isolé depuis longtemps du monde extérieur, je ressens d'une manière particulièrement douloureuse l'impossibilité de me rendre à l'église. Les conditions dans lesquelles j'ai quitté ma maison ne m'ont même pas permis d'emporter avec moi un évangile dont la lecture tout particulièrement ces jours-ci serait pour moi une grande consolation. C'est pour cela que je vous prie de considérer avec bienveillance mon humble demande de m'offrir un évangile en langue russe. » Eh oui, la lettre vient d'une prison de Moscou où se trouve bien détenu le général Miller. Donc tout ce qu'on avait vu, là, cette espèce d'extradition, si l'on peut dire, hein, forcée dans une caisse sur un cargo soviétique, tout ça est exactement ce qui s'est passé. Il est bien vivant, plus de 6 mois après son enlèvement. Il est emprisonné sous le nom de Piotr Vassilievitch Ivanov dans la cellule numéro 110 à l'isolement. Et il est évidemment sans aucune nouvelle de sa famille. Et pendant tout ce temps, à Paris, tout le monde était convaincu qu'il était mort. Le procès, pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup le pensaient. Le procès de l'épouse de Skoblin, le principal suspect de l'enlèvement, celui qui a servi d'appât d'une certaine manière, s'est ouvert le 5 décembre 1938 au palais de justice de Paris et on l'accuse de complicité. Après 9 jours de procès, Madame Skoblin est condamnée à 20 ans de travaux forcés, comme on disait à l'époque, et à 10 ans d'interdiction de séjour en France. Alors les mois passent, Miller attend toujours dans sa prison, il attend son procès. On pourrait imaginer que l'Union soviétique fasse un geste par rapport à Paris. Seulement n'oubliez pas le contexte géopolitique de l'époque. Staline est en train de se rapprocher singulièrement de l'Allemagne nazie. Il voudrait, enfin quand je dis qu'il s'en rapproche, c'est d'ailleurs pas le mot, mais en tout cas il voudrait un traité de non-agression avec Hitler dans l'hypothèse de plus en plus probable et imminente d'une guerre avec la France et l'Angleterre. Or Miller a de bonnes relations avec les autorités françaises. Il s'appuie sur l'émigration russe blanche en France et Staline ne veut plus de ce Miller qui est gênant. Il décide de s'en débarrasser. Vous savez que quand Staline a décidé de se débarrasser de quelqu'un, généralement ça ne lui coûte pas tellement non plus. Le 11 mai 1939, le chef du NKVD, donc le fameux, le sinistre Beria, va signer l'ordre d'exécution du général Miller. L'acte de décès précise la sentence du dénommé Ivanov, condamné par le collège militaire du tribunal suprême de l'Union soviétique, a été exécuté à 23h05 et il a été incinéré dans le crématorium à 23h30. Tout ça le 11 mai 1939. Donc, quant à la famille Miller, elle ne connaîtra le sort du général que 56 ans, je dis bien 56 ans après sa disparition. Alors, qui a véritablement organisé l'enlèvement de Miller. Il se trouve que le commissaire Belin, dont j'ai souvent déjà eu l'occasion de vous parler, parce qu'il était le grand patron de la Sûreté nationale, c'est un des modèles du commissaire Maigret de Simenon, vous savez. Dans les années 50, Belin raconte les dernières confidences de la femme de Scoblin avant sa mort en 1940. Elle aurait avoué à Belin que son mari, qui avait voulu prendre la place de Miller et qui souhaitait une alliance entre les Russes blancs et les Allemands, son mari avait bel et bien joué le rôle de rabatteur pour attirer le général Miller dans un piège. C'est bien ça ce qui s'est passé. J'ai menti au général Miller en lui disant que je l'emmenais à un rendez-vous politique, aurait dit donc Scoblin. J'étais chargé de le conduire à Saint-Cloud dans une propriété qui m'était indiquée et dans laquelle il allait se trouver en pays ennemi. Miller m'a suivi en toute confiance dans ma voiture. Nous avons gagné Saint-Cloud. Nous sommes entrés dans la villa désignée. Nous y avons été reçus par trois hommes qui s'exprimaient aussi bien en russe qu'en allemand. Le général Miller fut prié de passer dans une pièce voisine, tandis que je restais seul dans l'antichambre. 10 minutes passèrent, puis je fus invité à sortir. Me sera-t-il permis de revoir le général Miller, ai-je questionné ? On me fit entrer dans un petit salon. Le général était là, allongé sur un divan, il ne bougeait plus. « Mais qu'avez-vous fait ? » dis-je. « Il dort, votre Excellence, il dort. Nous l'avons piqué. Ai-je besoin de vous dire ? » Oui, j'ai besoin de vous le dire, parce que ça fait partie des mystères d'une affaire qui en développe un certain nombre, qu'on n'a jamais retrouvé Scoblin. Bonjour Alexandre Jevakov. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez écrit un très beau livre sur la guerre civile russe. On va y venir dans un instant, mais l'épisode que je viens de raconter se situe 15 ans après la fin de cette guerre en 1922. On est donc en 37. Il y a encore des Russes blancs qui se font arrêter en plein Paris par des agents à la solde de l'Union soviétique à l'époque. Oui, parce que la fin de la guerre civile effectivement se manifeste en 22 avec la prise de Vladivostok par l'armée rouge, mais de fait, la dernière armée blanche quitte la Russie, la Crimée. En novembre 20, Général Baron Wrangel, qui commande l'armée russe, emporte avec lui 80 000 militaires, parmi lesquels d'ailleurs mes deux grands-pères, et 70 000 civils, femmes, enfants, personnes âgées. Direction Constantinople, mais pour reprendre un terme qui deviendra à la mode quelques années après, Wrangel considère que les Blancs ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Mmh. Et donc, arrivé ensuite en Europe... Dans les différents pays d'exil, Dans les différents pays d'exil, lui-même se retrouve à ce moment-là dans le royaume serbe. Il crée au début 24 la ROFS, dont vous avez parlé, donc la fameuse Union Générale des Combattants Russes. Et l'objectif très très clair, c'est de combattre par tous les moyens l'armée rouge et le régime soviétique. Donc effectivement, on a à ce moment-là une organisation multiterritorial, international, puisque rien qu'en Europe, il y a 4 directions, l'une à Paris pour couvrir l'Europe occidentale, l'autre à Belgrade pour la partie pays balkaniques, Turquie, Grèce, l'autre à Berlin pour l'Allemagne et la Hongrie, enfin à Danzig pour couvrir la Pologne, les Pays-Baltes et la Finlande. Et l'objectif très clair de cette organisation, c'est de recruter le maximum d'officiers et de militaires dans l'ancienne armée russe, donc anti-bolchevique, pour combattre par tous les moyens, apprendre les métiers, former les jeunes générations, apprendre la tactique et puis s'occuper d'actes de terrorisme, soit en liquidant des diplomates ou des agents soviétiques en Europe, soit aller faire le coup de main terroriste en URSS. Alors nous allons revenir avec vous sur les détails de cette incroyable affaire, qui a un petit côté Tintin, comme le faisait remarquer Clémentine, oui c'est vrai, c'est Général Miller, Général Müller, hein, c'est l'étoile mystérieuse. Néanmoins, c'est pas plus que la famille Miller est d'origine allemande. Les moustaches et les caisses embarquées sur des cargos nous font un petit peu sourire. On a tort, parce que c'est néanmoins une affaire des plus sérieuses. Nous allons y revenir dans un instant, après quoi nous parlerons plus généralement de cet affrontement décennal entre l'Union soviétique et ceux qui, passés à l'Ouest, si je puis dire, n'acceptaient pas la révolution russe. Au cœur de l'histoire de l'espionnage des Russes blancs cet après-midi sur Europe 1, avec votre invité... Dans les cœurs de l'armée rouge qu'on entend derrière, vous, je vois que ça vous déstabilise un peu. Le chant des partisans, mais parce qu'en fait j'aurais peut-être dû vous les laisser entendre un petit peu plus, effectivement, profiter des cœurs de l'armée rouge. On y reviendra, le centenaire de la révolution approche. Et l'espionnage des Russes blancs avec cette affaire Miller et cet enlèvement retentissant dans les rues de Paris. Nous en parlons avec votre invité, Franck Alexandre Jevakov. Il est historien, haut fonctionnaire et auteur de La guerre civile russe paru chez Perrin. Oui, il y a quelque chose qui relève de la bande dessinée ou du roman d'espionnage dans cette affaire de l'enlèvement du général Miller, bien entendu, avec la grande question principale, qu'est devenu ce général Nikolaï Skoblin ? En vérité, personne ne le sait. Donc, il y a plusieurs hypothèses. L'une aurait été un assassinat rapide par les services soviétiques. D'autres, qu'il aurait été emporté par les soviétiques en Espagne. Nous souvenons-nous que c'est la guerre d'Espagne qui se déroule en même moment et qu'il aurait été liquidé discrètement. On aurait ouvert la porte de l'avion. On lui aurait proposé de descendre avant l'atterrissage, ce qui, naturellement, pouvait avoir un effet fatal. Voilà. Enfin, très concrètement, on ne sait pas du tout ce qui est devenu. À la différence de Miller, on sait ce qu'il est devenu. Voilà. Skoblin, on ne sait pas ce qui est devenu. Miller est exécuté par ordre de Staline. Exactement. Voilà, donc, bon, ça, en 1939, vous avez cité la lettre au patriarche de Moscou, enfin, en métropolite de Moscou. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la première lettre qu'écrit Miller en arrivant à la Loubianka, qui est la prison donc de la, ce qu'on appelait à l'époque le service politique, le GPU, donc la police politique. L'ancêtre du KGB. Voilà, l'ancêtre du KGB. Première lettre, il écrit à sa femme en disant « Excuse-moi, je n'ai pas pu te saluer, je t'ai amené à quitter Paris précipitamment dans des conditions que j'avais imprévues, donc reprends-toi, sois calme, etc. » Ce qui est une lettre extraordinaire d'amour conjugal et de naïveté, en pensant naturellement que cette lettre allait être transmise, qu'elle n'a jamais été. Il a écrit d'autres lettres que celles que vous avez citées. Il a écrit notamment une autre lettre aux autorités soviétiques en disant « Je suis complètement à l'isolement, même Lénine ne l'était pas, donc laissez-moi la possibilité de voir des gens. » Et naturellement, personne n'a donné suite à ce genre de lettre. Ça, c'est pour le général Miller. Le général Skoblin, vous nous dites qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. En revanche, on sait qui il était. On sait qu'il travaillait pour la GPU, Skoblin a été au procès de la Plevitska, donc de Madame Skoblin, on a fait intervenir beaucoup de témoins, parmi lesquels le général Denikin, donc qui est l'un des généraux blancs les plus importants. Et dans son témoignage, Denikin dit qu'il soupçonnait Skoblin d'avoir été bolchevique ou pro-bolchevique depuis une dizaine d'années. En fait, la première fois où on a parlé de lien entre les bolcheviques et Skoblin et Madame Skoblin, ça date des années, la moitié des années 20, puisqu'à ce moment-là, elle avait encore des concerts. Et elle était partie chanter aux États-Unis. Oui, c'était une grande chanteuse. C'était une très grande chanteuse, d'ailleurs adulée très célèbre, par Nicolas II, qu'on appelait le rossignol de course, puisqu'elle est originaire de cette province de Russie. Et donc, aux États-Unis, dans les années 20, elle avait chanté pour les orphelins soviétiques, ce qui avait scandalisé l'immigration russe blanche. Et elle avait expliqué que j'étais prêt à chanter pour n'importe qui. Et en France aussi, elle a chanté, voilà. On dit même qu'il avait des liens avec le parti nazi et avec les services secrets allemands. Il est soupçonné effectivement d'avoir été, si j'ose dire, multicarte, puisqu'effectivement, en dehors des liens qu'on pense avoir avec les services soviétiques, il est soupçonné ici d'avoir été agent allemand, ce qui explique peut-être la manière dont il a pu harponner Miller. Vous avez parlé du délai de l'information des services de police. Une des raisons pour lesquelles l'état-major, c'est que en laissant entendre que Miller avait des liens avec un militaire allemand, ça pouvait induire une conclusion de la part des services de la police française ou plus généralement des gouvernements français, c'est qu'il y avait des liens entre ces Russes blancs et les autorités nazies de Berlin, ce qui naturellement n'était pas du tout neutre. Et oui, donc ça, il fallait le cacher le plus possible. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles... Parce que les services secrets français s'intéressent eux aussi de très près à cette affaire. Absolument, c'est une affaire entre services, bien entendu. Et d'ailleurs, les Français soupçonnent très très vite les Soviétiques d'avoir embarqué, si je veux dire, Miller dans la fameuse caisse de bois du Havre, et les autorités françaises se posent la question de savoir est-ce qu'ils vont arraisonner ce bateau soviétique, qui d'ailleurs porte le nom d'une des sœurs de Lénine. Ils convoquent le diplomate soviétique et lui disent « Voilà, nous on pense que vous avez emmené Miller là-dessus. » Le soviétique dit « Mais que nenni, rien du tout. » Et si vous nous arraisonnez, ça sera, si jamais il y a des problèmes, ça sera la responsabilité du gouvernement français. Et le gouvernement français, finalement, renonce à cet arraisonnement qui aurait pu peut-être sauver la vie du général. La femme de Skoblin, donc, qu'on appelle la Plevitskaya, était cette grande chanteuse. Voilà, c'était son premier mari, c'était un danseur polonais qui s'appelait Plevitskaya. Elle a quand même été lourdement condamnée. Oui. Elle était coupable, elle faisait partie du... Écoutez, si on peut soupçonner qu'elle était peut-être au courant, ou du moins que sur l'oreiller, il y avait des échanges entre lui, entre Nicolas Skoblin et elle, sur le thème d'où vient l'argent et pourquoi tu peux être amené à faire ceci ou cela ou avoir ces rendez-vous. Ce qui est très étonnant, c'est que donc elle est condamnée à 20 ans, vous l'avez dit, elle est emprisonnée à Rennes et elle meurt à l'été 40. Au moment où les Allemands entrent voilà. en France. Hein. Et il y a eu un certain nombre de soupçons dans les années 80 ou 90 qu'en fait elle a été empoisonnée par, soit par les Soviétiques, soit par les Allemands. Soit par les Allemands eux-mêmes, oui. Voilà. Et dans mon roman des Russes à Paris, j'ai retrouvé des archives donc départementales à Rennes qui montrent qu'en fait elle est morte des suites d'une opération qu'on lui a amputé un pied et cette opération s'est mal déroulée et elle est morte de la gangrène. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le 18 juin 40, c'est-à-dire dans les premiers jours de l'occupation allemande, les services de l'état-major allemand de Paris envoient un officier à Rennes récupérer tout le dossier de la Plevitska. Ah, et voyez quand même voilà. qu'il y a bien un donc lien. Y a, ouais. On peut penser ça, que c'est quand même très ils passionnant. Ils sont pas pressés pour rien et qu'ils avaient j'allais leur dire, raison. La suite au prochain numéro, ça veut dire que ce n'est pas numéro, une affaire voilà. tout à fait conclue. C'est vraiment exactement. Très passionnant. On parle de ces jeux entre services. Il faut savoir que tout ce qui se passait à l'état-major du oui. ROVS, là, c'est-à-dire oui. de l'état-major russe blanc à oui. Paris, était suivi. Ils étaient sur écoute. Hein, absolument, c'est ce que ils étaient sur écoute. Alors ça, c'est également tout à fait passionnant. Vous parliez tout à l'heure de romans ou de tragédies. Cet appartement, en fait, a été utilisé par les services soviétiques et le locataire était un nom qui est sûrement très connu de beaucoup de nos auditeurs et de vous en particulier, qui est Tretiakov. C'est le nom de la fameuse galerie. Bien sûr, galerie en fait, d'art, le de peinture. De Tretiakov, lui, en immigration, n'avait plus le train de vie et les moyens de sa famille. Et donc, il s'était finalement fait acheter par les Soviétiques. Et c'est comme ça qu'il a été amené à accepter que l'appartement soit sonorisé, comme on dit dans le milieu professionnel des services, pour le compte des services soviétiques. Maintenant, du côté des services soviétiques, on a parlé de la ROFS et de ses services donc, de contre-espionnage, mais la GPU avait un extraordinaire service, ce qu'on appelait le service international, le IO en russe, et qui effectivement avait pénétré les milieux russes blancs, avait pénétré, et si vous, dans les années 2000, le FSB, le ministère de la Défense russe ont publié des archives qui sont extraordinaires. On y voit comment ils connaissaient quasiment plus vite que les destinataires les dépêches de l'état-major de la ROF, s'ils avaient toutes les listes des officiers Mandov, donc ils avaient fait un travail de pénétration de l'immigration rose-blanche extraordinaire. J'allais dire, ça ferait un beau film, mais Éric Rohmer s'est un peu inspiré de l'affaire. Absolument, Éric Rohmer s'en est inspiré, et parmi les gens qui jouaient, les collaborateurs ou les collègues de Miller, il y avait, donc, il y avait dans l'état-major un amiral, comme il y en a toujours, l'amiral Kedrov, qui était un grand nom de l'immigration russe, et Rohmer a donné ce rôle à un authentique baron russe-blanc de l'immigration, qui était membre de mon organisation de la marine impériale russe, le baron Tcherkassov, qui est aujourd'hui décédé. Mais si vous voyez le film, pensez à ce baron qui effectivement jouait le rôle d'un amiral. Et alors, le film, c'est Triple Agent. Pour ceux qui veulent le voir, exactement. On pourrait développer encore cette affaire assez longtemps, mais ce que j'aimerais, puisque nous vous avons sous la main, si je puis dire, Alexandre Jevakov, c'est que nous revenons... J'allais vous appeler Tretiakov, c'est mon goût pour la peinture. Je n'en suis pas encore à me vendre au plus offrant. Non, ça fait une énorme différence, évidemment. Je vous remercie. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous revenions sur l'ensemble du combat des Russes blancs depuis l'origine, c'est-à-dire depuis la Révolution, jusqu'à ce que... Vous nous direz jusqu'où, d'ailleurs. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'espionnage des Russes blancs cet après-midi sur Europe 1. D'ailleurs, restez avec nous puisque dans quelques minutes, Clémentine Portier-Kaltenbach sera votre guide pour vous faire découvrir le patrimoine orthodoxe à Paris. Alors nous sommes dans les années 30, vous nous avez fait revivre l'enlèvement du général Miller et nous allons plus loin avec Alexandre Jevakov. Il est historien et haut fonctionnaire et il est votre invité, Franck. Nous aurons l'occasion, Alexandre Jevakov, de vous recevoir de nouveau pour parler dans le détail de la guerre civile, justement. Nous essaierons de le faire chronologiquement, si je puis dire, après les commémorations de la révolution d'octobre, qui elle-même est la deuxième révolution russe. Il ne faut pas oublier que le tsar avait déjà abdiqué au début de l'année, ce qui pour nous, février ou mars, ça dépend du calendrier. Donc il y a eu ce gouvernement relativement modéré, menchevique, pendant une bonne partie de l'année 1917. Et puis, il y a cette espèce de coup d'État des bolcheviques. Enfin, le terme espèce 2 me paraît, on peut dire, un coup d'État. Tout oui, oui, en octobre 1917, sur lequel on reviendra, bien sûr. Et puis après ça, on parlera de cette guerre. Une guerre, d'ailleurs, disons, un mot peut-être d'ores et déjà, une guerre qui s'est longtemps révélée beaucoup plus favorable aux Blancs qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Avec oui, le... notamment au cours de l'année 19, effectivement, que ce soit à l'est par les armées de Kolchak ou au sud par celles de Dynik, il menace un moment effectivement le pouvoir soviétique, à tel point que, comme je l'explique dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, les Soviétiques étaient prêts à rentrer dans des organisations souterraines, à abandonner le pouvoir. Ils avaient d'ailleurs prévu un certain nombre de caches pour un certain nombre de trésors nécessaires à la réaction. Ils avaient préparé également des passeports étrangers. Donc effectivement, le pouvoir soviétique n'était pas du tout sûr de poursuivre leur activité. Et on sait que l'espèce de symbolique extraordinaire que les bolcheviks ont longtemps mis en avant, c'était de durer plus longtemps que la Commune de Paris. Et effectivement, lorsqu'ils ont franchi cette première étape, ils ont déjà respiré. Mais encore une fois, il y a eu ces offensives blanches de 19. 70 ans contre un mois et demi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont dépassé largement le terme. Ils ont dépassé, ils ont surperformé, comme on peut dire. Alors, néanmoins, une fois Vladivostok reprise par les Soviétiques, les Russes blancs ne s'avouent pas entièrement vaincus. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et effectivement, il y a à la fois cet objectif de reconquête militaire, il y a aussi une volonté politique d'expliquer que le régime soviétique nie les libertés, va à l'encontre des objectifs qui avaient pu être les leurs initialement. Et le problème de cette opposition politique, c'est qu'elle n'est pas unie. C'est que vous le disiez, il y a à la fois des monarchistes qui sont favorables au retour du tsarisme, il y a des gens qui sont plutôt favorables à une monarchie constitutionnelle, à une république, et au sein de la république, vous avez toutes sortes de tendances. Tout l'éventail. Tout l'éventail des gens qui vont des mencheviks aux socialistes révolutionnaires de droite. Donc un ensemble extrêmement composite, et tout le monde veut aller dans son sens. Et il n'y a absolument aucune unité politique. Et celui qui aurait pu constituer l'unité politique, c'est le grand-duc Nikolai Nikolaïtch, qui est l'oncle de Nicolas II, qui meurt en 28, et jusqu'à sa mort, en fait, il reste sur une espèce d'aventin. Il refuse de prendre position, et naturellement, ce ne favorise absolument pas. Dans l'émigration russe blanche, tout le monde, pendant cette période, et comme on le dit en russe, reste sur la valise. C'est-à-dire que on pense qu'on va revenir dans la mère patrie, et donc on survit. Parce qu'il faut bien survivre, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'existence. Quasiment personne n'a de capital, de patrimoine, donc on vend ce qu'on peut vendre. Les gens sont partis avec ce qu'ils pouvaient, très peu de choses. Les gens sont partis avec quelques petites affaires, mais rien du tout. On vend ce qu'on peut au fur et à mesure, on essaie de travailler. Les femmes, notamment, prennent un rôle économique et un rôle social, donc très très important, d'où les dames qu'on retrouve non seulement dans les restaurants, mais aussi dans la mode, mais aussi dans d'autres activités. Il n'y a pas que des chauffeurs de taxi En fait, il y a eu très très peu de chauffeurs de taxi. C'est une espèce de légende. Il y a eu bien plus. Il y a eu 10 fois plus de personnes qui ont travaillé à l'usine Renault que chauffeurs de taxi. Voilà. Et donc, on reste dans cette mentalité. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi, il y a très très peu, dans ces périodes des années 20, 30, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a très très peu de mariages mixtes en France entre les Russes et les Français. Et il y a très très peu de gens qui soit renoncent à la nationalité russe au sens pour demander soit la naturalisation française, soit pour prendre ce qu'on appelait le passeport Nansen. Le passeport Nansen, c'est là qu'est créé le statut d'apatride. Absolument, c'est vraiment pour les Russes blancs et les Arméniens. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans mon cas, puisque mes 4 grands-parents étaient Russes blancs, ma famille maternelle est restée passeport Nansen et ma famille paternelle a pris la nationalité française. D'ailleurs, très curieusement, par publication au journal officiel en mai 40, donc au moment où l'actualité était peut-être un peu ailleurs, et mon père étant né en 21, d'ailleurs, ma grand-mère paternelle était partie enceinte de mon père, qui était né à Istanbul, et donc mon père, ayant 19 ans à l'époque, est devenu français de naissance, puisque la majorité à l'époque était à 21 ans. Vous venez d'entendre Clémentine Portier-Kaltenbach, que je salue. Bonjour Clémentine. Vous êtes arrivée, vous suivez l'émission, je le précise, pour ceux de nos auditeurs qui ne vous verraient pas. J'adore les histoires d'espionnage. D'ailleurs, il y a le fameux l'ambassadeur du gouvernement provisoire russe, Maklakov. Maklakov, il a proposé au service secret français de leur vendre les archives de l'Okhrana, la police secrète du tsars, on n'en a pas voulu. Absolument, elles sont parties aux États-Unis. Voilà. C'est incroyable d'ailleurs ce qui s'est passé là. Oui. Alors justement, nous avons vu jusqu'où les différents services étaient imbriqués. Mmh. Soyons honnêtes, les Russes blancs n'ont pas les moyens d'espionner vraiment les Soviétiques, alors que les Soviétiques, eux, ont tous les moyens d'espionner les Russes blancs. Hein. Exactement, et effectivement, ils l'ont avec une expertise qu'il faut saluer. Très très vite, la Tcheka puis la GPU ont montré un professionnalisme assez impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que le fameux patron de la Tcheka, le fameux Dzerzhinsky, lui, au début, quand il prend les rênes de cette horrible maison, il fait rentrer dans son service un certain nombre d'anciens policiers et gendarmes qui ont servi à l'époque impériale. Oui. Voilà. Ce qui est extraordinaire. Et donc, ensuite, il adopte des méthodes extrêmement efficaces. Et il ne faut pas oublier en France qu'ils ont le relais du Parti communiste. Et bien sûr. Et ce qui, naturellement, les aide justement, beaucoup. Justement, il y a ces liens complexes avec le début de la Seconde Guerre mondiale, oui. Puisque, évidemment, les Russes sont officiellement alliés aux Allemands au tout début de la guerre. Vous parliez de mai 40 vous-même. Comment est-ce que les Russes blancs se positionnent, si je puis dire, dans ce début de guerre? Alors, il y a en fait trois positionnements que je ne qualifierai pas quantitativement, mais qui sont qualitatifs. Il y en a ceux qui considèrent que l'URSS est l'ennemi des Russes blancs au motif du stalinisme, du bolchevisme, et donc ils sont soit des alliés explicites des Allemands, soit ils sont proches des Allemands. Et il y a un certain nombre de généraux de l'armée russe blanche qui vont se retrouver soit dans la Wehrmacht, soit à côté. Ça, c'est au moment où Hitler s'attaque à l'Union soviétique. À partir de 1941. Mais un certain nombre de Russes blancs sont arrêtés par les autorités françaises et envoyés dans un camp à Compiègne au motif qu'ils sont soupçonnés de complicité implicite. D'autres, eux considèrent que, soviétique ou pas soviétique, la Russie reste la mère patrie et donc ils pleurent quand ils voient la Russie envahie. Merci beaucoup, Alexandre Jevakov. Je rappelle que votre roman des Russes blancs parle de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure et nous sommes inspirés aussi du livre de Nicolas Ross de Koutiepov. Un Miller, excellent spécialiste. Le combat des Russes blancs aux éditions des CIRT et puis votre nouveau livre. Et vous viendrez nous en parler plus en détail après, si je puis dire, la Révolution. Ça s'appelle La guerre civile russe de 1917 à 1922 et c'est chez Perrin. Il est temps maintenant de découvrir le patrimoine russe et orthodoxe de Paris pour cette émission consacrée à l'espionnage des Russes blancs. Et bien sûr, notre guide, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Je ne vous dis même plus bonjour puisque vous vous êtes immiscée dans l'émission comme ça. Je ne tenais pas en place. Mais alors dites-moi, 240 paroisses orthodoxes dans toute la France, dont 17 à Paris. Ça, j'avoue que je suis surpris. Ça a été une grosse surprise pour moi également, oui. Parce qu'il y a évidemment les paroisses russes très connues comme Alexandre Nevski que vous avez visité avec notre invité. Rue d'Arru, bien sûr. La rue d'Arru et puis l'église Saint-Serge, toute recouverte de bois. Une de ces églises, comme on en voit des centaines dans les campagnes russes. C'est une pure merveille, d'ailleurs. Alors, ces deux-là sont assez connus, mais 17 paroisses, c'est parce qu'il y a, selon les nationalités, chaque nationalité fréquente une paroisse différente. Les Roumains vont à l'église des Saints-Archanges, rue Jean de Beauvais, dans le 5e. Les Géorgiens, Saint-Nino. Les Serbes, Saint-Sava. Vous voyez, ce sont des saints qui ne nous sont pas du tout familiers à nous autres Parisiens. Et puis, alors, il y a, je trouve, les Bulgares qui ont un nom d'église qui fleure bon la steppe et le yaourt. Saint-Eutime de Tarnovo. Voilà, je vais à l'office à Saint-Eutime de Tarnovo, c'est très beau. Alors les Russes, donc, leurs églises sont bien connues et la 17e de ces paroisses, eh bien c'est naturellement... Mais on vient de l'ouvrir là, évidemment. Elle a été inaugurée en 2016, naturellement, la magnifique cathédrale aux 5 dômes d'or du Quai Branly, tout près de la Tour Eiffel. Et alors là, on peut, malgré les origines russes de votre invité, Franck, pousser un gigantesque cocorico, car non seulement l'architecte en est français, puisqu'il s'agit... C'est Villemotte. Jean-Michel Villemotte. Et les 20 pétales dorés qui constituent les 5 coupoles, eh bien, ont été fabriquées en France. Bravo, vive la France. Une entreprise française que je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité. Il se fait que nous venons de restaurer rue d'Arru les flèches et nous avons utilisé la même entreprise française que l'église de Québec. Alors, puisque vous avez parlé d'espionnage depuis le début de l'émission, ce qui est amusant, c'est que les services français de renseignement ont exigé qu'il y ait un système de brouillage autour de la nouvelle cathédrale, parce qu'elle est quand même située près d'un endroit sensible, absolument, non loin oui. de l'Élysée, non loin mmh. des, oui, des ministères. Donc, des ministères on oui. veut bien manifester de l'œcuménisme, mais il ne faut quand même pas nous jusqu'à prendre un pour certain des... point. Voilà, jusqu'à bon, un certain voilà. point. On imagine que ce genre de, effectivement, ce genre de centre culturel, parce que c'est un centre culturel, est toujours très surveillé par définition. Depuis quand est-ce qu'il y a des églises russes à Paris? C'est très récent, c'est un décret d'Alexandre II de 1816. Et c'est à partir de 1816, il y a eu l'existence continue d'églises russes à Paris et en France. Et 1861, non, alors... Non, parce que je pense que c'est 1861 et pas 1816. Il y a eu des églises russes avant oui, Alexandre absolument. Nevsky, oui, oui. mais la plus grande, la grande évidemment, c'est Alexandre Nevsky, le père Vassiliev en 47, absolument. Qui lance une souscription pour financer absolument. Cette belle cathédrale, qui est inspirée de Sainte-Sophie de Constantinople, raison pour laquelle on parle de style russo-byzantin, mais simplement, puisque je n'ai pas la science infuse en matière d'église orthodoxe, j'ai lu que les églises qui avaient précédé Alexandre Nevsky étaient des petites églises assez oui, modestes une petite chapelle. Et assez simples, et on ne pouvait pas voilà. parler non, vous vraiment avez entièrement raison, d'églises. Il y en avait la première véritable était rue Mellet, et donc dans un quartier oui, beaucoup plus sûr, central. Près de la République. Absolument, oui. voilà. Et ensuite, comme vous le disiez, le père Vassiliev et a puis... souhaité. Voilà. Il y a eu, au moment de l'exposition universelle de 1867, pardon, oui. il y a donc 150 ans, il y a eu cet attentat manqué, absolument. Heureusement, contre le tsar Alexandre II, oui. dans le bois de Boulogne, qui a évidemment... attentat qui a eu lieu le jour de l'Annonciation. Et donc, si vous allez rue Daru, à la cathédrale Saint-Alexandre, ce que vous verrez deux icônes donc célébrant l'Annonciation, l'une offerte par le tsar à ce qui mmh. n'était pas encore la cathédrale, et l'autre offerte par ce qu'on appelle le marguillier, c'est-à-dire le responsable laïque de la paroisse, ce que je suis aujourd'hui, mais je n'ai pas les moyens de mon prédécesseur, et donc je n'ai pas les moyens d'offrir à ma cathédrale cette remarquable icône dorée que je vous incite néanmoins à venir admirer rue Daru. Bien sûr, rue Daru, c'est un endroit émouvant, parce que pour cette cérémonie, ce Te Deum, il y avait Napoléon III, absolument. Son épouse, bien sûr. Guillaume Ier, Bismarck. Alors on parle toujours de cette merveilleuse cathédrale de rue Daru, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis voisin en plus, mais j'aimerais qu'on dise un mot de Saint-Serge justement. Qui oui, est une... parce qu'à Saint-Serge peut-être palpite plus qu'ailleurs le cœur de l'orthodoxie française. Et d'ailleurs, Saint-Serge possède un institut théologique de renommée internationale. Et d'une certaine manière, comme le dit Colosimo, c'est le seul endroit où il y a eu vraiment l'expression d'une pensée libre et d'une théologie libre, c'est à Saint-Serge pendant toute la durée du régime soviétique. Et c'est un endroit qui est aussi assez émouvant parce que ça a été construit, Saint-Serge, en 1924, au lieu même où se trouvait une paroisse protestante allemande qu'on appelait la Colline. Donc c'est un endroit qui a une histoire très riche et qui a un charme fou, Saint-Serge. Il faut vraiment, ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le voyage. C'est le cas de dire, hein, le voyage, on est ailleurs. Pour mettre Marie ouais. à Saint-Serge, je ne dirais rien contre Saint-Serge. Si c'était un mariage orthodoxe, vous avez le temps de vous en souvenir, parce que ça dure au moins 3 heures. Absolument. C'est terrible, les témoins doivent porter. Alors j'en suis absolument. Témoin, parce que j'ai un frère oui, qui voilà. s'est marié avec une orthodoxe. Non seulement il a dû embrasser des icônes, ce qui est quand même un peu raide, mais en plus de ça... Les témoins portent la couronne c'est quasiment non. pendant toute la cérémonie. Mais le problème, c'est non seulement porter la couronne, mais je l'ai fait naguère, c'est d'éviter de marcher sur la traîne de la mariée. Eh parce oui, que, qui est voilà, énorme. Hein, c'est extrêmement compliqué. Tout un cérémonial, c'est voilà. passionnant en même temps. Ça nous rappelle à tous de beaux souvenirs. Merci beaucoup, Clémentine Spasiba Bolshoï. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Lorena nous parle aussi de, comment on pourrait dire, d'établissement d'adresses russes dans Paris. Alors, vous êtes allée au Conservatoire russe de Paris, Serge Rachmaninov, et à la cantine russe. Racontez-nous oui. ça. Donc, le conservatoire qui forme des musiciens et danseurs et qui est présidé par le comte Cheremetiev, qui est une très vieille famille russe. Oui, et il a été fondé en 1923. On peut y apprendre à jouer de la balalaïka, de la guitare mais russe. C'est ça que vous auriez dû faire. De la langue russe, de la danse classique. Et le conservatoire organise des concerts, des conférences. Et ils ont aussi donc un restaurant au rez-de-chaussée qui s'appelle la Cantine Russe. Et c'est un des tout premiers restaurants russes à Paris qui a ouvert donc en 1923 par Fedor Chaliapine et qui faisait partie donc des fondateurs du conservatoire. Donc Fedor Chaliapine, c'est la grande le plus grand chanteur russe de tous exactement, les temps. Exactement. C'est ça, exactement. Et vous avez une scène musicale avec des musiciens et on peut y déguster le borscht, cette soupe à base de betteraves, choux, carottes, concombres, du shashlik de poulet. poulet. De quoi, comment dites-vous ? Chachlik de poulet, des brochettes de poulet marinées, des blinis, du bœuf stroganoff, qui est du bœuf accompagné d'une sauce crémeuse au paprika, et un nombre incroyable de vodka, ah oui, au vodka, piment, à la vanille, ouais, au miel, et donc bien sûr à consommer avec modération. Alors, quand vous dites vodka et que vous, qu'ensuite vous dites à consommer avec modération, il y a comme une... Un paradoxe. Oui, il y a comme un paradoxe. Bon, vous vouliez nous parler aussi des éditeurs réunis, oui, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Parce que c'est la plus ancienne librairie russe à l'étranger. Au départ, c'est une maison d'édition fondée en 1921 et qui a publié les grands auteurs de l'émigration russe et des écrivains interdits d'ailleurs en Russie soviétique. Ils ont édité notamment en exclusivité mondiale l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Oui, ça c'est très important de le souligner. Merci beaucoup Lorena. J'aurais bien aimé qu'on parle du musée Cosaque de Courbevoie. On aurait pu parler aussi de Sainte-Geneviève-des-Bois. Bref, que d'émissions en perspective.